I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Crimson Glory, Meshuggah, Gorguts, Aramid, Beneficium, Perished, Uriahid, and more. Memission de Subversion, edition du 26 frère 2016. Merci d'être parmi nous sur Underground Quebec Radio. Je m'appelle Sylvain Latour alias DJ Tower of Death et blah blah blah blah blur blur blur. Piss off. Oh ouais, d'accord. Ok, ben je pensais de m'en sauver mieux que ça avec la madame du téléphone. Bref, cette substitution est un échec. Oui, mais je suis encore parmi vous cette semaine malgré ce super virus. Et c'est de justesse que qu'il y a eu un peu de tonalité dans ma voix. Bref, ce n'est pas Brian Mulroney qui vous parle, mais c'est bien moi-même, Sylvain Latour. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. J'espère que ça devrait bien aller quand même, mais bon, ouais. Mais ça risque d'être drôle quand même, on verra bien. Aujourd'hui... émission régulière, dans le sens que non, nous ne sommes pas allés dans un restaurant où nous n'avons pas fait d'entrevue nécessairement avec quiconque. Mais ça ne serait tardé. Dans les prochaines semaines, on aura quelques surprises à ce niveau. Je n'en doute point. Durant l'émission, on va souligner ça a été le 30e anniversaire d'un album marquant quand même dans le métal, celui Metallica Master of Puppets, évidemment. Et aussi nous aurons une nouveauté de Gorguts qui ont libéré une pièce, un extrait du moins de ce qui sera cette longue pièce qui va être l'essentiel de cet album qui sort au mois de mai sur Season of Mist, intitulé Pleiades Dust. Donc, ça c'est plus tard dans l'émission. Pourquoi qu'on y va pas tout de suite en musique, hein, pour sauvegarder cette voix? Cause Brian said so. ouais, justement, j'écoutais Rock Classique tantôt. Notre ami le docteur Pendragon, qui lui aussi était accablé de ce virus, hein. Donc le Rockmaster, lui, n'a pas manqué de lui renoter à plusieurs reprises, mais bon, je pense qu'il est passé au travers. Et en passant, merci beaucoup pour cette demande spéciale, ma demande spéciale de yes. Bon, Allons-y donc avec ce premier bloc de trois pièces. Nous aurons Iron Maiden, nous aurons aussi les Floridiens de Crimson Glory, mais avant Uriah Heep, ces vieux routiers du rock, metal, progressif, symphonique, dépendant des albums, dépendant des humeurs. Bref, de cet album Wake the Sleeper de 2008. Ma foi, si l'album était tout de la même teneur que cette pièce d'ouverture, ça serait, ma foi, digne d'intérêt, même plus que ça, même d'écoute régulière, je dirais. Si on compare à ce que d'autres vieux bandes comme Deep Purple réussissent à nous prendre une fois de temps en temps, je dirais qu'on... personnellement, je trouve que je perds moins mon temps avec Uriah Heep. J'y trouve mon compte quand même dans quelques pièces, et cette pièce particulièrement, la pièce titre Wake the Sleeper. À noter que c'est le 21e album studio du groupe. C'était le premier en 10 ans à ce moment-là. Et seul Mick Box, le guitariste âgé de 68 ans aujourd'hui, est de la formation originale de 69. On parle quand même d'un groupe qui a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde entier. Alors, Uriah Heep à Subversion jusqu'à 19h30. We'll be right back. présentation, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas reconnu ce groupe légendaire, ben ça se peut pas. C'est Iron Maiden, évidemment, avec Sea of Madness. Probablement, fort probablement ma pièce favorite du groupe depuis les 30 dernières années, soit depuis Somewhere in Time, ce sixième album. Bref, depuis tout ce qui s'est fait après Power Slave. Avant, on avait Crimson Glory, ce groupe de Sarasota, en Floride, avec la pièce d'ouverture de l'album éponyme de 86, Valhalla. Très bonne pièce de l'album. Une des bonnes pièces de l'album, qui est quand même très visiblement inférieure, du moins auditivement inférieure à l'album suivant, Transcendence, de 88, qui est beaucoup plus fort au niveau impact, intensité, composition et tout, pratiquement à tous les niveaux. Bref, mais quand même une bonne production. Évidemment, ça avait été produit au Morris Sound Studio avec Jim Morris, nul autre. Oui, c'est une bonne production pour l'époque, vraiment. On a connu les productions de les premiers albums de Nasty Savage qui avaient été enregistrés là. Et puis, oui. On en conserve des bons souvenirs aussi. Je me souviens d'avoir fait jouer ça sur les ondes la première fois à CIRC en 86. Le disquaire local m'avait prêté le vinyle et oui, c'était un bon feeling que j'avais eu. C'était un groupe prometteur, Crimson Glory. Malheureusement, ça a comme un peu disparu dans la brume. On sait que le vocaliste Midnight, qui avait paru sur les trois premiers albums, de son nom John Patrick McDonald, lui qui nous a quitté en 2009. Dû à des complications, dû à un saignement des varices œsophagiennes. Bref, c'était un vocaliste très performant, très proéminent de sa génération. Je dirais dans les vocalistes très haut perché. C'est dommage que ça qui ait un peu disparu dans la brume. C'est ce groupe qui avait un énorme potentiel. Bref, en tout cas, si vous avez ça dans vos discographies, vous conservez ça. Et puis, oui, au début du bloc, on avait Uriah Heep avec Wake the Sleeper, pièce-titre de leur album du même nom de 2008. Ouais, ben parlant d'Iron Maiden, on sait que Bruce a fait atterrir ce nouveau 747, hein, ce nouveau Air Force One qui fera la tournée 2016 pour le groupe. Un peu partout sur la planète, ils ont atterri à Fort Lauderdale pour la première date de cette grande tournée. C'est quelque chose comme 70 concerts là, pour le moment qui sont cédulés d'ici début août. Et puis, oui, ils sont évidemment de passage à Montréal le 1er avril prochain. On a bien hâte quand même de voir ce spectacle. Et Bruce, ben, pour l'événement... Ben, c'est ça, il a fait une espèce de conférence de presse sur le volet, là, directement sur le terrain de l'aéroport, ouais, avec le stand pis tout, là, pendant que, supposément, il y avait un autre avion qui passait. Vous allez l'entendre dans l'extrait qui suit, d'ailleurs, on laisse, oui, apparemment, l'avion de Britney Spears a interrompu son discours, alors voilà, on laisse aller Bruce à la prochaine minute. Hey Bruce, welcome to Fort Lauderdale. Thank you very much. How was the flight? It was excellent. 9 hours across the pond and my first landing in a 747. So, hey, what's not to love? Why did the band decide to get a 747 for this tour? What's the reason? The 57 is just not big enough for what we've got in mind in terms of the show. So what we've got on board at the moment is the stage show. Everything that we need will be on the airplane, and all the technicians and baggage and everything else for going all the way around the world. I mean, we're doing Perth, Australia to Cape Town, Shanghai to New Zealand. I mean, we're really going around the planet. Why Fort Lauderdale? Because that's where we start the tour. I mean, well, why are you starting the tour here? Because it's sunny. Steve, the bass player, lives in the Bahamas. Nico lives in Boca Raton. Now, I think this might be Britney Spears' airplane. Yeah. Enjoy the show and watch the skies. Thanks a lot, Chris. Anybody who's a sci-fi fan will get that. Irony is that, you know, Obama has Air Force One, but our airplane's newer, you know. So, you know, hey, maybe we can do a swap, you know. Do a swap. C'est pas bête, ça, de la part de Bruce, de vouloir échanger comme ça des 747 avec le président Obama, mentionnant que leur Air Force One à eux était plus récent que celui que le président américain. Bref, ça serait quand même cocasse de voir débarquer le président Obama dans un aéroport comme ça avec un 747 avec cet aileron gigantesque à l'arrière avec à l'effigie de Eddie version Book of Souls. Book of Souls, oui, la tournée qui demande apparemment, selon ses explications, une logistique d'un transport d'équipement outre ce qu'ils avaient connu auparavant, donc pour répondre justement à la demande de la production scénique et de son transport, évidemment, devait passer d'un appareil beaucoup plus spacieux, du 747 au 747. Donc, ouais, ben c'est ça à surveiller. Ça promet, c'est un indice, je pense, que qui fait que ben ça promet pour le spectacle qu'on pourra voir à Montréal le 1er avril prochain. Bref, toujours intéressant à entendre déblatérer ce Bruce. Donc, prochain bloc de trois pièces, on a une demande spéciale pour du Meshuga, pour mon bon ami le Dr. Pendragon de C'est Fou. On aura aussi un flashback de 1991 avec la formation new-yorkaise Leeway. Mais avant, une pièce de Metallica de leur album Master of Puppets 1986 qui fêtait évidemment son 30e anniversaire le 21 février dernier. Cet album qui avait été enregistré au Sweet Silence Studio de Copenhague au Danemark avec Flaming Rasmussen, tout comme le précédent Ride the Lightning. C'est un album marquant évidemment pour sa génération et pour les générations subséquentes. Pour ce qui est 4 au métal, ça a été une année 86. Bon, une année comme cet album, une année de raffinement, une année de changement et de bouleversement qui a affecté la destinée du groupe et qui aurait pu mettre fin littéralement à la carrière du groupe suite au décès de Cliff Burton à l'automne durant la tournée en Europe. Beaucoup d'événements marquants pour le band, dont cette invitation pour cette tournée mondiale avec Ozzy Osbourne. Et moi, mon souvenir personnel par rapport à Master of Puppets, c'est une journée de printemps, une très belle journée ensoleillée, où ce que je revenais de l'école, j'étais en secondaire 5 à ce moment-là, je faisais de la radio, et puis je me vois débarquer avec ce vinyle de l'autobus l'autre bord du village des Vins, l'autre bord de Rouyn-Noranda en fait, en s'en allant vers le nord-est, la frontière du nord-est ontarien. Et puis oui, je me rappelle d'avoir, durant le trajet, je regardais la pochette de tout bord de côté. J'avais tellement hâte d'entendre la suite, la fameuse suite de Ride the Lightning. Et puis je me rappelle d'avoir mis le vinyle sur la table tournante de mon père, d'avoir écouté ça avec frénétiquement. J'avais pas été renversé à la première écoute tout autant que le Ride the Lightning, parce que j'avais été injecté de je ne sais quoi, mais ça m'avait littéralement jeté à terre là. Vraiment, j'étais couché par terre. Première fois que j'ai entendu les deux premières pièces sur l'album Ride the Lightning, celui-là étant plus raffiné, peut-être un peu plus cérébral, je dirais, demandait quelques écoutes avant d'absorber son plein potentiel à ce moment-là. Mais c'est définitivement un incontournable, ce Master of Puppets, et j'ai choisi la pièce Battery, mais pas nécessairement dans le même sens qu'on l'a toujours écouté, parce que figurez-vous que, bon, étant le maître du backward à mes heures, j'ai déjà expérimenté en 2002, je pense que c'était en mars aussi, lors du passage de Martyr, ce groupe trifluvien de Trois-Rivières, en fait, qui était de passage à Rouyn-Noranda avec d'autres groupes comme Covadis et Neuraxis. À Rouyn-Noranda, j'étais évidemment DJ, comme dans d'autres nombreux concerts là-bas à cette époque. Et j'avais écouté la pièce à l'envers et je me disais, waouh, c'est vraiment bon, surtout l'intro. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais l'essayer au show. Et pendant que Marty faisait leur soundcheck, je le regardais sur le stage pendant que je faisais jouer la pièce à l'envers. Il devait se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et le timing était parfait finalement parce que, comme je disais, l'intro qu'on va entendre à la fin, puisque la pièce est à l'envers, et ben, c'est vraiment excellent, à mon avis. Et puis, le timing était vraiment parfait parce que je me souviens, je faisais un fade-out et le band a embarqué à ce moment-là pour commencer leur set. Alors, en souvenir de ce moment-là et de tous les bons souvenirs relatifs à l'album Master of Puppets, voici Battery de Metallica, mais à l'envers, parce qu'on est un peu tanné d'écouter Metallica à l'endrette. Je sais qu'il y en a qui... je sais, j'en entends souvent dire, oh, je suis plus capable, mais c'est le coup, c'est rendu, je suis incapable d'écouter Justice for All, puis Ride the Lightning, puis encore, mais... Bon, écoutez... J'aurais pu rendre hommage à Metallica dans le bon sens, mais... écoutez, à Subversion, tout est permis. Alors, ou presque. Donc, allons-y avec Battery. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. I'm gonna make you my face, it'll be my belief. D'ailleurs, je devrais saluer mon chum Dominique Nau, qui nous écoute probablement dans son auto en train de faire de la livraison à grand-mère. Prends des patates frites, de la poutine, puis des pizzas. Et si on dit, j'ai une langue de c'est fou, qu'il y a rien à faire, la soupière. C'est qui a pris la place à Willy? C'est qui a compris que pour bien manger, il y a qu'à place à Willy? A-I-W! Prenez-le ma place. La place à Willy, allons tous chez A-I-W. We'll be right back. Sugar dans leur belle période de Kiosphere à la fin des années 90. C'est une période que je préfère soit dit en passant. C'était la pièce Corridors of Chameleon, la pièce en demande spéciale pour mon ami le Dr. Pendragon, animateur assez fou pour les émissions réanimation et rock classique évidemment. Et ça me fait bien plaisir de lui faire jouer ça. Oui, ce groupe d'Oumea qui en était à leur troisième album complet à ce moment-là. Ça avait été enregistré avec Daniel Bergstrand, en tout cas technicien complice, avec l'aide évidemment du guitariste Frédéric Tordendal. Oui, Meshuga, que l'on verra, je pense, hein, au EV Montréal. Ce sera. Non, on les a vus l'année passée. Hey, je suis perdu, moi. Je pensais que c'était cette année. Ok, c'est vrai, on les a vus l'année passée, mais le son était pourri, là. Faut vraiment qu'ils reviennent pour rendre justice à eux-mêmes, finalement. Bref, c'était pas de leur faute. Oui, Meshuga. Avant Meshuga, on avait eu Lee Wace, groupe de New York, de la scène, issu de la scène crossover new-yorkaise, des belles années de cette scène, oui. Le groupe avait vu le jour en 84, hein, alors qu'il s'appelait Unruled, tout comme le groupe montréalais Unruled. Il venait d'Astoria, New York, avec des ex-membres de Cro-Mags, Agnostic Front et Marauder. C'était leur deuxième de quatre albums. Moi j'ai connu Lee Wace sur le tard puisque je m'étais surtout attardé aux Crumbsuckers, Agnostic Front, Ludicrous, Nuclear Assault et au Carnivore des beaux jours de la scène crossover du Big Apple évidemment. Ce qu'on a entendu c'était All About Dope, pièce qui figure sur l'album Desperate Measures de 91. Et je voulais mentionner le ton de guitare sur cet album-là. J'étais comme, moi j'ai déjà entendu ça en quelque part et il me plaît beaucoup. Et je me disais même, je venais qu'à enregistrer quelque chose là, ami producteur ou technicien là, de studio là, qui Soundman, etc., qui m'écoute et qui ont entendu la pièce de Lee Way, essayer de me trouver ce ton de guitare-là. À défaut de rejoindre ce type, cet ingénieur qui a travaillé sur d'autres albums, notamment un qu'on a entendu la semaine passée, celui de Melia Rage, particulièrement de l'album Solitary Solitude. Le type en question s'appelle Tom Soros. Il a aussi travaillé sur des albums comme ceux de Scatterbrain, Here Comes Trouble, ainsi que d'autres albums de Cro-Mags, Forced Entry et Demolition Hammer. Une espèce de ton de guitare, c'est très, ça sonne très high gain, très beaucoup de sustain. En tout cas, pour ceux qui savent de quoi que je parle. Bon, bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quelque chose, c'est un élément qui m'a beaucoup plu sur cet album-là en particulier, celui de Lee Way. Avant, ça, au début du bloc, évidemment, on avait eu cette version. Inversé de Battery de Metallica pour souligner à ma façon le 30e anniversaire de Master of Puppets le 21 février dernier 30e anniversaire pour cet album marquant de l'histoire du métal. Donc oui, qu'est-ce qui s'en vient là? Il est déjà rendu 7h19 pour ceux qui nous écoutent en direct évidemment sur Underground Québec Radio. Bon, je commence, on dirait que je commence à retrouver un peu ma voix là. On va entendre le. Oui, dans ce bloc. On va y aller, oui, justement, un peu plus extrême. Chose qu'on n'a pas faite depuis un bout. Hein. On va entendre un groupe obscur de Québec, Beneficium, avec leur black metal symphonique très extrême. On va entendre aussi, un peu dans la même veine, un groupe norvégien du nom de Perished. Mais avant, cette nouveauté de Gorguts. Gorguts qui ont libéré un extrait de cette pièce intitulée Pleiades Dust, qui composera l'essentiel évidemment de l'album qui sortira sur Season of Mist en mai prochain. L'extrait s'intitule Wandering Times et justement ben ouais, c'est un c'est une grande pièce de trentaine de minutes qui composera la totalité de l'album, comme je disais, et le résultat d'un processus de composition complexe achevé par une équipe de complices qui réussissent une fois de plus à nous amener dans un nouveau monde, finalement, à voir une nouvelle façon pour nous, les auditeurs, d'écouter, d'entendre, d'expérimenter le death metal avec cet nouvel extrait de Wandering Times. Vous écoutez Gorguts à Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Live. je pense que qu'ils savaient pas qu'ici au Québec ça se faisait des trucs du genre. En fait, ça s'est fait hein, en 2008 par Veneficium avec cet extrait de cet album The Occulta Philosophia Amissae Tenebrae de 2008. La pièce étant E Arcadia Ego. C'est oui, ce groupe de Québec qui était composé d'ex-membres de Esker, devenu Escar, aussi de Superior Enlightenment et de Towers Darkness, avec Étienne Lepage à la basse, François Fortin au drum et principalement le multi-instrumentiste Simon Carignan, connu aussi sous le nom de Simon C. Bouchard, qui est responsable de ce travail qui s'est étendu sur plusieurs années au niveau des claviers, cette multitude de pistes, de couches de claviers qui a composé cette symphonie ténébreuse qu'on entend pratiquement tout au long de l'album, et c'est vraiment quelque chose à redécouvrir. Et c'est quelque chose d'une rare intensité et d'une rare qualité dans le métal extrême. Et particulièrement, c'est ce passage à 6 minutes 30 qui figure vraiment un des passages les plus intenses que j'ai entendu depuis fort longtemps dans le genre. Oui, avant en termes d'intensité aussi, on a entendu Perished avec Departure of Cosmic Union, ce groupe norvégien qui a fait paraître, je pense que c'était leur deuxième album complet en 2003 avec Said. Et au début du bloc, on avait eu ce très bon extrait de ce nouvel album apparaître sur Season of Mist en mai prochain, Pleiades Dust. La pièce était, en fait, l'extrait était Wandering Times, et c'est un segment de cette longue pièce de 34 minutes qui compose l'essentiel de cet album, qui paraîtra justement en mai par Gorguts dans leur façon de faire habituelle, en fait, leur mode, leur discours musical des dernières années. Cette espèce de concerto un peu hypnotique, je dirais. Ça fait bien plaisir d'entendre la voix de Luc Lemay sur ce nouvel extrait où j'avais entendu au préalable la pré-production. Luc m'avait fait entendre ça l'été passé, justement, version instrumentale. Et puis, moi, je suis un fan non seulement de l'œuvre de Luc Lemay, mais de la voix de Luc Lemay. Vraiment, c'est une des meilleures voix dans le monde du death metal depuis tous les temps, finalement. Et puis, il nous raconte une autre portion de l'histoire avec un grand H, en quelque part entre le 12e et le 14e siècle. Là. Et je n'en dis pas plus, mais j'ai bien hâte de voir ça avec l'album, le livret, les illustrations et tous les notes relatives à sa recherche assidue par rapport à ce concept de Pleiades Dust. Ben, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben c'est les seuls qui puissent entendre ce qui se passe en ce moment, puisqu'on a déjà excédé d'une quinzaine de minutes le format radio-diffusé en direct sur Underground Québec. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur SoundCloud ou sur hurlemort.com, bien, vous avez 15 minutes en bonus cadeau. Et oui. Alors, je vous laisse là-dessus, puisque, bon, le temps passe, et puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? La semaine prochaine, je sais pas trop qu'est-ce qu'on a, mais je sais que dans les semaines à venir, à surveiller, on aura Dan Beeler d'Exciter en entrevue, on aura aussi possiblement Jean-Pierre Fortin de Death Dealer, et pour le reste, je sais pas encore, mais revenez-nous, la semaine prochaine pour plus de musique subversive, et passez le mot pour justement les balados de diffusion sur SoundCloud. Et aussi sur hurlemort.com, site où vous pouvez aussi consulter évidemment les chroniques de Guillaume Gagnon, alias Sinistros, et qui fait partie évidemment de cette inquisition et du métal. Et puis je vous laisse là-dessus, alors à la semaine prochaine, et faites attention aux autres. Bye.